Acil şöyle kandı Seda oğlu Kefiniz Les vacances à Paris Acil şöyle kandı Une voix t'appelle C'est l'heure Déjà de t'en aller Dans cet avion Qui t'emmène vers l'Angleterre Adieu joli Candy Tu m'écriras Tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu, joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fonds de français. Chanceux. Adieu.